ne vous fâchez pas, vous les remplacerez par un groupe en bronze. Vous avez commencé l'histoire de Samson, achevez-la. Faites Dalila coupant les cheveux à l'Hercule juif. Mais vous qui serez, si vous voulez m'écouter, un grand artiste, j'espère que vous comprendrez le sujet. Il s'agit d'exprimer la puissance de la femme. Samson n'est rien, là. C'est le cadavre de la force. Dalila, c'est la passion qui ruine tout. Comme cette réplique. Est-ce comme cela que vous dites ? Ajouta-t-elle finement, en voyant Claude Vignon et Stidmann, qui s'approchèrent d'eux en voyant qu'il s'agissait de sculptures. Comme cette réplique d'Hercule au pied d'Omphale est bien plus belle que le mythe grec. Est-ce la Grèce qui a copié la Judée ? Est-ce la Judée qui a pris à la Grèce ce symbole ? Ah, vous soulevez là, madame, une grave question, celle des époques auxquelles auraient été composés les différents livres de la Bible. Le grand et immortel Spinoza, si niaisement rangé parmi les athées, et qui a mathématiquement prouvé Dieu, prétendait que la Genèse est la partie politique, pour ainsi dire, de la Bible, et du temps de Moïse, et il démontrait les interpolations par des preuves philologiques. Aussi a-t-il reçu 3 coups de couteau à l'entrée de la synagogue. « Je ne me savais pas si savante, » dit Valérie, ennuyée de voir son tête-à-tête interrompu. « Les femmes savent tout par instinct, » répliqua Claude Vignon.